Ok. Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit, voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entrée sans payer. La seule, l'unique, l'exclusive, la génialissime émission consacrée à la gratuité et à la culture libre. Comme d'habitude, nous sommes sur Radio Balade 101.8 et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des membres du collectif Synapse Audiovisuel. Ils vont venir nous parler de leur organisation, de leur philosophie et de quelques-unes de leurs activités. Alors, en quelques mots, il faut savoir que Synapse est un acteur majeur, en France, de ce qu'il convient d'appeler le cinéma libre. C'est-à-dire, si je peux me permettre une définition un peu rapide, un mouvement cinématographique qui pratique et promeut le partage et l'autoproduction des œuvres audiovisuelles, notamment grâce à l'utilisation de licences de libre diffusion. Mais pas que. Car ce que l'on appréciera tout particulièrement chez Synapse, c'est leur volonté d'appliquer le principe du partage et du libre accès à tous les niveaux de l'échange cinématographique. Production, réalisation, diffusion, réflexion. Tout en l'associant à une démarche expérimentale et militante centrée sur le contenu. Démarche qui se veut intégrale, donc, et qui ne manque pas, à ce titre, de faire écho à celle que nous poursuivons depuis plus d'une dizaine d'années au sein de l'association Gratilib. Je m'autoriserai, par exemple, à faire le parallèle entre la caravane de la gratuité qui voyage ici ou là, et le cinéma voyageur dont nous allons bientôt avoir l'occasion de parler. Alors, justement, parlons de parler. Parce que derrière toutes ces actions, n'y a-t-il pas une revendication commune, à savoir le droit à la parole libre ? Il est vrai qu'il s'agit d'un enjeu majeur des sociétés dites modernes. Comment laisser la parole libre ? Comment libérer l'expression en laissant l'action s'épanouir sous ses multiples formes ? On parle de libre-échange en l'assimilant à l'économie capitaliste débridée. Mais le libre-échange n'est-il pas tout le contraire ? L'échange libéré et libérateur n'est-il pas ancré dans la communication libre, dans la communication qui bouscule, qui renverse, qui construit ? Plutôt que dans le droit, dans la parole sacralisante, sacrée, institutionnelle, qui enferme, qui referme le champ des possibles sur son discours mutilant. Pouvoir réinventer l'échange en libérant la communication. Et quand on parle de communication, entendons par là, en revenant aux fondamentaux de l'école de Palo Alto, que l'action est toujours chargée de sens, porteuse d'un message explicite ou implicite. Or, le propre du marché et des institutions de contrôle n'est-il pas à cet égard de rigidifier l'action, de réduire le dialogue, de cantonner l'échange à un simple transfert de propositions formelles aux potentialités et à la diversité extrêmement réduites ? En gros, je propose de céder mon droit d'usage sur un bien à condition qu'on me transfère en contrepartie de la monnaie en quantité suffisante. Voilà le cadre. Il est fixé. Figé, inamovible. Quant au droit d'usage, est-il vraiment autre chose qu'un message ? Une parole, donc, une information homogène, impérialiste, incluant une contrainte, une coercition latente. Autrement dit, ce bien m'appartient et la police te le fera savoir si jamais tu en doutes. Et c'est donc ainsi que l'échange marchand annihile toute créativité, toute réflexion, toute co-construction du processus d'échange. Il nous renvoie au rôle de simple exécutant d'un processus dont la forme est décidée et planifiée ailleurs, en amont, dans une temporalité qui n'est pas celle où l'échange se déroule. En tant que tel, l'échange marchand est donc conservateur, et clivant, car en figeant les positions, en les institutionnalisant, il repousse chacun vers ses possessions, vers ce qu'il est censé valoir objectivement et qui va définir son identité. Alors, j'illustrerai ces propos par un événement où nous avons été conviés à intervenir avec la caravane de la gratuité. Il s'agissait de la fête de l'environnement. Elle se déroulait à Bram, samedi dernier. Alors, le problème de fond avec ce genre de non-événement tient dans le détournement sémantique, voire dans l'annihilation sémantique qu'ils opèrent. D'abord, remarquons que l'usage du mot « fête » était totalement inapproprié. Il convenait bien davantage de parler de marché de produits à forte teneur environnementale, ou à la rigueur, de salons informatifs destinés aux acteurs institutionnels ainsi qu'à leurs vassaux, qui étaient sans doute presque tous subventionnés. Mais c'était l'occasion pour eux d'écouler, en bons petits soldats, leur dogme du recyclage ou de la consommation responsable, confondant la parole de l'écologie politique avec leur mission quasiment téléguidée par des opérateurs passifs programmés pour éliminer une rareté artificielle et des comportements populaires stigmatisés. L'un d'entre eux avait d'ailleurs installé un grand écran sur son stade. C'est pour dire « consommer, acheter, goûter aux délices de l'économie marchande en toute bonne conscience. Maintenant qu'elle est repeinte en vert. Mais enfin, comment se fait-il que vous n'ayez pas encore votre four ou séchoir solaire à 450 € fabriqué dans une menuiserie responsable ? Voilà, en gros, ce qu'on pouvait voir dans les stands. Honte à vous qui ne triez pas vos déchets. Honte à la populace. Sainte Mère Nature la punira. Voici résumé le principal message quasi religieux dispensé par ce groupe de marchands de soupe verte et de missionnaires de la Sainte Parole Durable. Dans cette prétendue fête de l'environnement, où le seul pouvoir d'action qu'on daignait vous octroyer consistait dans le droit à sortir son porte-monnaie, ou dans le droit de s'inscrire dans une association pour gonfler leurs effectifs et leur garantir quelques menus subventions que l'État magnanime daigne leur jeter en pâture pour s'assurer de leur obéissance. Alors certes, l'événement pouvait se targuer de proposer quelques dispositifs non marchands, à l'instar de la caravane de la gratuité. Mais dans le fond, comment ne pas y voir une sorte de no-market washing destiné à appâter le client ou à se donner bonne conscience ? À vrai dire, la disposition même des stands révélait le caractère profondément marchand et territorialisé de l'événement. Il trahissait l'absence de parole, ou du moins sa confiscation par des experts. Qui se souvient encore du Larzac et de ses discours enflammés dans ces grandes surfaces bucoliques où les toilettes sèches sont la preuve évidente qu'on est du bon côté de la barrière. Plus de discussion, plus de paroles libres, chacun son espace, chacun son prix, chacun ses subventions. Encore que tout le monde tombe d'accord pour happer le client et l'instrumentaliser à son profit. En somme, voilà à quoi se résume l'environnement. Quelques vagues conférences qui s'écrasent sur les récifs d'un public d'auditeurs acquis à sa cause, substituant la parole auto-légitimée de l'expert à celle du tourbillon tumultueux de la parole des citoyens qui s'émeuvent, réfléchissent, inventent des solutions, prennent en main leur environnement local sans attendre que d'autres le fassent à leur place. Cette parole sauvage, on n'en veut pas. On veut que vous écoutiez sagement la conférence pour que vous alliez, désormais convaincu de la légitimité de votre action, acheter votre pelle-légumes écolo responsable et manger vos hamburgers bio sur une botte de paille. Le tout sur une musique propriétaire bien consensuelle. Parce que vous comprenez, il faut bien s'adapter au goût du public. Alors quelle tristesse n'ai-je pas éprouvée à ce propos en entendant Bob Dylan et son hymne à la paix, Blowing in the Wind. C'est à ce moment-là, je crois qu'un musicien visiblement en galère est venu me demander quel était le business model derrière la caravane de la gratuité. M'expliquant bien entendu que lui, il ne jouait plus gratuit car Il faut bien vivre, hein. Ainsi, je pouvais mesurer à quel point la conversion à l'idéologie marchande de ces pseudo-militants de l'environnement et de la culture est achevée. Et je ne pouvais alors qu'éprouver un profond sentiment de révolte envers ces acteurs autoproclamés de l'environnement qui ont subtilisé un discours de transformation sociale aujourd'hui plus que nécessaire pour en faire leur gagne-pain tout en se donnant le beau rôle. Et je crois que tout a été résumé par un zonard militant, enchanté de découvrir la caravane de la gratuité et avec qui j'ai discuté un bon quart d'heure. Vivant dans un squat, il avait pris la prison ferme pour avoir combattu à Sivens et à Notre-Dame-des-Landes les forces étatiques au service de la bonne parole environnementale professée par les écolos collabos qui s'écharpent entre eux pour quelques bouts de subvention. Alors ce héros, donc, comme il me l'a dit, ils auraient au moins pu mettre la bière à prix libre. Voilà, il me semble qu'il avait résumé l'essentiel. Parce qu'au passage, ce héros aurait très bien pu avoir la bière gratuite. Mais d'ailleurs, à qui achetait-on ces bières ou ces cafés ? Cafés qui, en plus, ils n'ont pas voulu me refiler gratos malgré mon insistance. À qui donc pouvait-on légalement acheter ces drogues légales ? Eh bien, à une association qui souhaite ouvrir un café destiné à accueillir, mesdames et messieurs, un espace de coworking pour du télétravail. Ouais, super ! Et pendant ce temps-là, on évoquait dans des conférences très sérieuses les causes lointaines, mystérieuses, du réchauffement climatique. Mais fallait-il vraiment aller les chercher aussi loin ? Voilà, voilà, sur cette question... On s'écoute un peu de musique libre à télécharger sur la plateforme Dogmazic. Il s'agit de Cuisine Spectrale, qu'on va écouter tout au long de l'émission. Et juste après cette petite pause musicale, on accueillera les membres du collectif Synapse Audiovisuel. A tout de suite sur l'émission Entrée sans payer. Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc, on accueille désormais l'association Synapse Collectif Audiovisuel. Donc, vous êtes bien là ? Bonjour. Oui. Salut. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, moi, j'ai rencontré Coralie déjà. Est-ce que tu peux nous te présenter rapidement ? Oui, voilà. Bah, bonjour à tous. Donc, Coralie, qui suis la salariée de Synapse. Je suis dans l'association depuis 4 ans et demi. Voilà. Et j'adore Synapse. Hein. Voilà. Vive Synapse. Il y a également Thibaut. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va, très bien. Je m'appelle Thibaut, je suis au sein de l'association depuis un petit bout d'année, je ne sais pas, 6-7. Et voilà, on est plein à occuper des fonctions diverses au sein de l'association, c'est-à-dire autant s'occuper de petites tâches administratives, de passer le balai, que de faire de l'image ou du son ou d'autres choses. Et voilà, moi je suis plutôt dans l'image à la base et j'ai aussi un petit peu le parc matériel, mais on en dira plus plus tard. Il y a aussi Yannick. Ouais, salut. Et ben moi je suis dans l'asso depuis une petite dizaine d'années et je fais partie du cinéma voyageur, du coup le projet de cinéma itinérant à prix libre de Synapse. Et dans Synapse aussi, je m'engage dans des parties de production, c'est-à-dire que je réalise des films et j'aide d'autres personnes à réaliser leurs films et à les diffuser. D'accord. Et la quatrième personne, dont je ne vois pas tous le nom. Oui. Et merci de nous recevoir. Moi, je m'appelle Étienne. D'accord. Et je ne sais pas, ça fait à peu près 5 ans que je dois être dans l'association. Pour le coup, moi, je ne suis pas trop dans le cinéma. Je fais plutôt de la photographie argentique. Et j'ai eu la chance de me faire recueillir par ce collectif qui m'a fourni des locaux pendant longtemps et à qui j'ai partagé mon savoir. Voilà. Entendu. Bon, bah, bienvenue à tous. Donc, on peut commencer déjà par présenter en gros. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure dans la présentation, mais en gros, je vous définis un peu comme un des piliers du cinéma libre en France et même peut-être au-delà des frontières, parce que il me semble que c'est quand même une démarche très forte que vous avez par rapport à la culture libre. Le fait de diffuser vos œuvres sous licence de libre diffusion. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi pour vous c'est important, cette dimension-là ? Et en quoi c'est aussi une démarche originale ? Ok. Je ne sais pas si c'est une démarche originale et je ne suis pas sûr qu'on soit toujours à l'aise avec les notions de piliers, par exemple. Mais en tout cas, nous, je pense que... En tant que personne qui avons commencé à faire du cinéma, bon, il y a une dizaine d'années, mais assez à la sortie d'école ou de formation, quoi, pour la plupart, on s'est assez vite rendu compte que un des gros soucis des films, que ce soit à notre échelle ou même un peu plus gros, c'est qu'ils disparaissent super vite, en fait. Les films assez vite qu'on a envie de voir, par exemple, assez vite, ils rentrent dans une structure qui est celle de la SACEM et pour la musique et du CNC pour le cinéma, qui fait qu'ils sont visibles sur quelques festivals et qu'après, peut-être qu'ils ont une sortie salle confidentielle et après ils disparaissent et ils ne sont plus visibles nulle part. En tout cas, c'était le cas il y a 10-15 ans quand les plateformes Internet de diffusion étaient beaucoup moins trouvables. Facilement. Oui. Et du coup, pour nous, s'inspirer de ce qui se fait, ben, plutôt sur du logiciel et aussi sur de la musique et d'autres pratiques artistiques libres, c'était de se dire qu'on arrivait à faire des films et qu'on passait du temps à réaliser des choses qui seraient vues, quoi. En gros, c'est ça l'essentiel de l'enjeu, quoi. C'est d'arriver à se dire qu'une fois qu'on a passé 2-3-4 ans sur un projet, il finit pas juste dans un casier, dans un placard quelque part, quoi. D'accord, donc il y avait vraiment une dimension pratique aussi, au-delà de la dimension, on pourrait dire, libriste, quoi, entre guillemets. qui, Oui, avec la philosophie qu'il y a derrière, on va dire, de rediffusion, de... clairement, tout ce qui est les notions de code source et de remix et de choses comme ça, c'est des choses qui sont quand même assez peu utilisées en cinéma, quoi. Enfin, ça arrive, mais c'est quand même rare, quoi. Même le remix, parce qu'on Après, pourrait tu... s'attendre à ce que bah tu vois des morceaux de vidéo soient repris dans d'autres films, je sais pas. J'en Surtout ai avec rarement vu. le courant, tu sais, des gens qui mixent le VJ, je crois, c'est ça, non? Ouais, carrément. Mais dans le VJing, pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui font ça avec des images libres. Après, il y a une culture du sample, comme pour le hip-hop ou pour d'autres choses, qui a une petite tendance à peu se soucier du droit d'auteur, je pense. Mais en tout cas, c'est clairement pas le. Enfin, l'idée, c'est plus. Enfin, de travailler sur la libre diffusion, c'est plus un moteur que de travailler sur le remix ou le code source qui sont assez limités en cinéma quand même. D'accord. Enfin, je pense que ça existe beaucoup plus dans la musique libre, par exemple, que dans le cinéma libre. C'est quand même très confidentiel, quoi. Entendu. Non, quand je parlais d'une démarche originale tout à l'heure, c'est que je crois pas, enfin, vous allez tout de suite me dire si je suis en train de dire une grosse bourde, mais il me semble pas qu'il y ait vraiment est-ce que vous vous définissez comme une association de production de films, enfin, et de diffusion aussi, ou ça vous semble décalé? Enfin, en tous les cas, bon, quelle que soit la manière dont vous définissez, je crois pas qu'il y ait d'équivalent en France, donc d'associations qui vont diffuser et produire des films sous licence de libre diffusion. En tout cas, à un tel volume, entre guillemets. Avec un Ben, tel volume. il y a plusieurs autres collectifs qui font de même. Après, les visibilités de tous ces collectifs, elles sont diverses, quoi. Mais il y a d'autres gens qui font des films notamment libres de droit. Oui, bien sûr, hein, mais... Voilà, bon, je voulais dire, ça reste plutôt, pour l'instant, souvent des collectifs assez d'une taille assez réduite. Voilà. Et ben, par exemple, enfin, j'en ai eu pas mal, mais en ce moment, en tout cas, il y a un collectif sur l'île qui s'appelle Lanciné et qui fait autant de la production que de la diffusion, ce qui est Oui. bah, une particularité qu'on partage, et qui travaille depuis plusieurs années sur une plateforme de streaming de films libres de droit qui s'appelle Orciné et qui, pour le coup, fait un gros taf sur. De mise en valeur de mise en valeur des films libres. D'accord. Parlons du cinéma voyageur notamment. C'est pareil, ça rentre dans cette idée de libre diffusion, de maximiser un peu la diffusion des films. Comment ça fonctionne, ce cinéma? Et ben du coup, je suis un peu monopolisé la parole vu que j'en fais partie, mais. Et ben c'est une petite structure qu'on a en fait. C'est un barnum qui accueille une vingtaine de personnes et un écran extérieur pour faire du plein air. Et en fait, il s'est lancé plutôt par des réalisations qu'on faisait dans le collectif il y a maintenant 12-13 ans. Des réalisations qui étaient déjà en libre de droit. Pour accompagner ces réalisations-là, assez vite, on a commencé à rajouter, je sais pas, des films d'animation de Blender, du collectif Blender, enfin qui sont liés au logiciel, quoi. Oui. Et d'autres collectifs m'ont croisé. Et du coup, maintenant, on ajoute des films chaque année enfin, un catalogue. Et du coup, il y a plus de. D'ailleurs, à peu près 200 films dans notre catalogue maintenant. Et du coup, tous les soirs, on choisit dans ce catalogue-là ce qu'on a envie de diffuser. On tourne que l'été. On tourne plutôt en place de village. Du coup, des endroits où il n'y a pas des grosses salles et où il n'y a pas notamment des salles d'art et essai, des choses comme ça, quoi. Et voilà, après, notre principe, c'est à fond sur le prix libre, vu que c'est un peu le sujet de l'émission. On est à prix libre à la fois pour les spectateurs et pour les potentiels collectifs, lieux, assos ou mairies qui pourraient nous accueillir. Ah oui, c'est intéressant. On tient à dire que si par exemple une mairie elle a le budget pour nous défrayer plus que le prix des spectateurs, ben c'est bien et c'est ce qui nous permet de vivre, mais par contre c'est jamais une condition pour qu'on vienne ou pas. Et ce qui étonne parfois pas mal les mairies, même si le prix libre il s'est quand même enfin il s'est répandu un peu partout maintenant, les gens ils sont de moins en moins surpris quand on leur parle des prix libres, mais en tout cas c'est vrai que vis-à-vis d'une mairie par exemple, quand ils demandent un devis et qu'on leur dit que c'est à prix libre, c'est toujours un peu étonnant pour eux. Et voilà, et après on a une politique pareille de prix libre qui est pas du tout pas du tout agressive, je sais pas comment dire, mais en gros c'est juste une boîte et les gens ils peuvent rentrer, payer à la fin, mettre de l'argent à la sortie, et s'ils mettent rien, ils mettent rien, et on n'a pas cette politique du prix libre je sais plus comment on dit, mais libre et conscient par exemple. Ouais, on entend souvent ça. Prix libre. On a juste marqué prix libre, on fait pas une grosse com dessus parce que. Voilà, parce faut que, pas que ça se transforme en obligation morale, c'est ce que tu veux dire un peu par là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça permet de couvrir les frais, du coup, ou vous êtes déficitaire à chaque fois et... Ça permet plutôt de couvrir les frais. On a un peu d'autres entrées d'argent dans cette partie-là. En gros, chaque projet de l'asso un peu a son autonomie financière, quoi. Et sur cette partie-là de l'asso, on a un peu d'autres entrées qui peuvent être une grosse soirée de soutien qu'on organise tous les gens dans les locaux de la Parole Errante, dans lesquels on a nos locaux aussi. Et une ou deux prestations qui nous arrive de faire. Et voilà, et on est globalement à l'équilibre. Après, on ne fait pas non plus ça. Par exemple, on met le budget qu'il faut pour imprimer chaque année une brochure qui valorise à fond les films, où les gens, on sait que comme ça, ils peuvent retrouver facilement les références. Et c'est aussi un peu ça le... L'objectif. Enfin, un des objectifs, ouais, j'imagine. Quoi. Ouais. Et voilà. Finalement, ça pourrait aussi se voir comme une... Alors, si j'imagine que c'est pas le seul objectif, mais une manière de faire la promotion de ces films original, entre guillemets, enfin, dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire, finalement, avoir aussi un contrôle sur tout le processus, quoi. À la fois la production, la réalisation et la diffusion du film. Est-ce que ça c'est important pour vous, de garder la mainmise, entre guillemets, sur ces différents... Sur ces différentes étapes. Ah, je pense que l'idée, c'est pas forcément complètement une idée de mainmise, mais c'est d'avoir un peu plus une maîtrise. Et quand on parlait tout à l'heure là, du côté que ça soit libre de droit, c'est aussi ça. Ça permet de, en étant un peu hors des canaux classiques, on a plus la main par rapport à ce qui est comment dire, de rigueur ou imposé dans ces réseaux-là. Oui. Et ça peut avoir des... Enfin, ça a, comment dire, des intérêts pour nous de politiquement de pouvoir choisir un peu du début à la fin. Après, ça nous confronte aussi à des fois certaines impasses de diffusion, mais on y arrive petit à petit. De temps en temps, les films sont diffusés en salle, parfois d'autres non. Enfin voilà, on bataille un peu dans ce monde-là, mais on est content d'avancer dans ce sens-là. Bah, moi, ce qui me paraît quand même très intéressant dans la démarche, c'est-à-dire que, dans un sens, bien souvent, on va dire les artistes, quel que soit leur domaine, que ce soit la musique ou le cinéma, réfléchissent finalement assez peu sur la façon dont ils vont échanger ou diffuser après les œuvres qu'ils ont produites. Donc ça me semble quand même... intéressant de réfléchir à ces dimensions-là. Pas seulement en faire, on va dire, bon, bah ça y est, j'ai produit mon truc, puis après je vais prendre les circuits déjà préexistants et en me contentant de les accepter tels quels. Là, il y a une démarche quand même de plus, il me semble, hein, plus active. Me trompe-je? Non, mais après, c'est vrai qu'on a cette double casquette à la fois de producteur et de diffuseur qui joue, et du fait de se rendre compte souvent qu'on a très envie de plus montrer les films des autres que les nôtres, quoi. ça arrive aussi dans le cinéma voyageur. Oui. Et oui, après, le cinéma, c'est une pratique qui est quand même assez particulière parce que dans un circuit classique, le réalisateur réalise son film, le producteur le produit, et après, il confie le bébé à un distributeur qui gère la diffusion. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, assez segmenté et tout ça. Du coup, là, on se rapproche plus. Enfin, moi, souvent, plus que de la culture libre en elle-même, qui me pose plein de questions parfois, je me réfléchis plus sur la culture punk et sur ce qui peut exister Oui, tout à fait. Enfin, ça paraît. de distro et de comment on joue. On joue, on fait jouer d'autres personnes, on aide à ce que collectivement on se tire vers le haut point de vue d'une culture commune, quoi. Culture commune, t'entends quoi par là? C'est-à-dire une culture. Bah là, je pense à la culture punk en l'occurrence, qui est voilà, D'accord. mais. Avec cette dimension do it yourself aussi Ouais, carrément. qui est très importante. Ouais. Et donc c'est pareil pour ce qui est des la diffusion sous une forme sous forme de vous diffusez sous forme de DVD aussi vos films. Ouais. Bon là j'imagine que vous les pressez pas à la main, mais en tout cas. Non, alors on presse pas les deux. Enfin, il y a eu quelques petits. Enfin, voilà, il y a différents pressages. Il y a certains DVD qu'on a pressés nous-mêmes sur des tours au Ah ouais, ravage. d'accord. Des fois, ça nous arrive de faire des petits réassorts quand c'est pas nécessaire de le faire autrement. Parce que c'est un peu comme pour le monde de l'édition, que ce soit papier ou du vinyle. Les choses poussent au gros tirage, en fait. Bon, du coup, il y a des éditions qui, des fois, font des gros tirages et se retrouvent avec des tonnes de numéros parce que c'est de même moins cher. On a pu se faire piéger sur un film ou deux un peu de la même manière. Et donc, on fait presser par d'autres. Et récemment, on a aussi expérimenté le fait, en lien avec d'autres collectifs, de pouvoir faire des pochettes, soit directement en sérigraphie, soit en rhizome. Non, j'ai dit une bêtise, non, soit enfin, il y a un autre terme. Mais bref, de faire nous-mêmes nos pochettes pour aussi rendre l'objet un peu différent. Et comment dire, comme c'est un objet un peu qui est un peu en train de tomber dans l'oubli parce que les gens n'ont plus de lecteur, les trois quarts du temps, au moins que de mettre un peu comme d'autres, mettre en valeur le vinyle, d'avoir un objet avec un livret, avec quelque chose de fait à la main, ce genre de choses. Et après, Ouais. si on reste beaucoup nous sur le DVD, c'est parce que ça a un gros intérêt de diffusion, notamment auprès des médiathèques, D'accord. auprès desquelles on est distribué. Et moi, je trouve ça hyper important qu'il y ait des films comme ceux qu'on a envie de défendre et d'autres qui puissent arriver en médiathèque. Parce que moi, il y a pas mal de choses que j'ai pu voir à une certaine époque grâce à ce qu'il pouvait y avoir dans les fonds de médiathèque, des films que je pense que j'aurais, pour certains, eu peu de chance de voir, ou pour d'autres, que j'aurais pas eu la chance de voir. Voilà. Et dans l'ensemble, sur le plan du contenu, on va dire, parce que là, on a beaucoup parlé, bon, des comment vous diffusez, etc. Est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez expliquer un peu là, si vous avez une ligne directrice entre guillemets sur les films que vous proposez? Il me semble, enfin, j'avais regardé Mouton 2.0 il y a quelques temps, enfin, quand c'était sorti, bon, qui était un film quand même militant hein, sur la question du puçage. Donc voilà, est-ce que ce militantisme vous le revendiquez ou est-ce que ça dépend des auteurs? Est-ce qu'il y a aussi un militantisme peut-être dans la façon de faire du cinéma? Ça, je suis pas calé en la matière, mais est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Ben oui, on a du mal à cacher l'aspect politique de certaines choses qu'on fait. Après que ce soit dans la production ou dans la diffusion ou dans l'édition de DVD, j'ai l'impression qu'on n'a pas de ligne éditoriale stricte, que les gens nous ont beaucoup assigné, notamment après Mouton, à plutôt à de l'écologie, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres films en fait qu'on a fait derrière quoi. Et Qui peuvent se rattacher à après quel thème, par exemple? Il y a des choses un peu autour de l'art ou peut-être de pas souffrance tant existentielle, je sais pas, des choses comme ça. Ah. non, pour l'instant, en ce moment en production, il y a par exemple un film sur le monde 24/24 et 7 jours sur 7 et comment la société ne s'arrête plus et notamment le travail ne s'arrête plus. Est-ce que ça implique pour les corps? Il y a un film sur le football algérien et comment quelle place a pris le football dans la construction d'une identité nationale algérienne. Oui. Il y a des films sur des questions plutôt axées sur les genres et sexualités. Et voilà, c'est assez varié. Ce qu'on produit, c'est principalement du documentaire en ce moment, ou des formes hybrides comprenant du documentaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On a fait de la fiction par le passé. En termes de thématique, en effet, il n'y a pas de ligne éditoriale, de ligne artistique spécifique. Il y a peut-être un côté militant, en effet, qui ressort, mais sur des sujets très, très larges. Oui. Et après, sur la façon de faire un film, et ben ça, c'est chaque film a son propre mode de production et sa propre économie. Parce qu'il y a certains films qui vont être complètement faits en do it yourself et il y en a d'autres qui vont quand même, enfin pas dépendre, mais en tout cas postuler pour des aides. Alors c'est souvent des aides régionales, Oui. mais voilà, on n'est pas uniquement en do it yourself. Il y a vraiment une économie propre à chaque film. Il y a des films qui peuvent se faire sur 7 ans. Donc là, on peut imaginer que l'économie, enfin le modèle économique du film est plutôt varié parce que ça peut être les premières années sans, enfin que de l'autofinancement et puis par la suite se dire c'est trop galère, finalement on va essayer de trouver de l'argent parce que c'est nécessaire. Et voilà, enfin il y a plusieurs facteurs qui font que chaque film produit par Synapse, À son propre modèle, voilà. Voilà, requiert son propre modèle. Après, il y a une spécificité dans Synapse, c'est que donc voilà, ce collectif est composé, je dirais, d'une dizaine, quinzaine de personnes qui sont là régulièrement. Et du coup, on a souvent un réalisateur et il y a un référent qui est nommé. Donc, par exemple, Yannick, lui, est référent sur plusieurs films qui sont actuellement en production, étant aussi lui-même réalisateur d'un film en cours, là, mais voilà, d'une série. Et donc, là, c'est une spécificité Synapse parce que on considère que c'est quand même important qu'il y ait une personne entre le réalisateur et le collectif qui permet de faire un suivi plus. Et du coup, qui est un peu le porte-parole auprès du collectif sur la production du film en tant que tel, pour pas que le réalisateur ait ses deux casquettes, quoi. Enfin, voilà, que ça lui permette de se focaliser sur la production, enfin sur la réalisation. Et donc voilà, mais ça c'est donc une sauce interne où on a un référent film, donc qui est, on l'appelle le producteur référent, et du coup qui permet de suivre l'économie, enfin notamment, hein, entre autres, en tout cas, Oui. de suivre l'économie du film. Voilà ce qu'on peut dire sur la production des films en termes de financement. D'accord. Et alors, bon, je suis passé te voir, Coralie, notamment, découvrir Synapse à La Parole Errante, donc un lieu qui regroupe plusieurs collectifs ou associations. Et ça m'a paru très intéressant. Donc, vous proposez directement sur place du matériel cinématographique à prix libre. Comment ça peut fonctionner, ça? Moi, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a tout de suite dit mais non, mais c'est pas possible. Enfin, que ça allait forcément, c'est déficitaire. Donc, d'abord, est-ce que vous faites beaucoup de prêts concrètement, ou est-ce que ça reste quelque chose quand même plutôt confidentiel? Comment ça fonctionne, en gros? Alors, c'est bénéficiaire dans l'ensemble. Après, ça, c'est comme tout, ça s'équilibre sur plusieurs créneaux, quoi, les financements. Oui. Et donc, du coup, en fait, on essaie de s'adapter aux économies des films, ce qui veut dire que quand il y a des productions qui nous contactent et qui ont un peu plus de sous, bah, on essaie plutôt de leur faire des factures. Quand on est des membres ou des gens qui viennent qui comprennent, si on peut échanger là-dessus, on se redit, et quand nous on est certain être aussi technicien dans l'audiovisuel, et quand on a des plans via des boîtes qui nous demandent si on n'a pas du matos, on essaie de louer à des prix, enfin de faire des devis, quoi, en fait. Voilà. Et C'est ce qui nous potentiellement, permet de vous rééquilibrer, pourriez. c'est un peu le principe du prix libre, au même titre que Yannick citait tout à l'heure les mairies après qui ont défendu ce principe. En fait, si une mairie met vraiment les sous, ou une association qui a vraiment des ronds met des sous, ça permet à un collectif fauché ou un lieu, un squat ou autre, de nous accueillir sans mettre un gros prix libre de leur part, et en fonctionnant que sur le prix, par exemple, du public. Voilà. Donc ça Donc, c'est une fonctionne. sorte de Et prix pour répondre adaptable, à l'autre quoi. partie de ta question, Ouais. il y a des périodes où c'est moins actif que d'autres, mais là, en ce moment, ça tire un peu pas mal. D'accord. Et potentiellement, Après, on peut vous. peut-être spécifier. Oui, vas-y. Oui. En fait, peut-être pour spécifier aux auditeurs, il y a un parc matériel du coup, qui se compose de matos dédiés à l'audiovisuel, et ainsi qu'une salle de montage et d'étalonnage, et aussi une étalon mobile, voilà. Et ce qu'on peut dire, voilà, c'est que l'affluence est variée. Ça dépend des périodes. Enfin, après, voilà, il n'y a pas en hiver plus qu'en été, mais enfin, voilà, ça fluctue. Et surtout, c'est vraiment que du bouche à oreille. Donc, on ne démarche pas auprès de qui que ce soit. Nous, on a une newsletter qui circule et dans laquelle, des fois, on relance et on met à jour. La brochure qui liste tout le matos que l'on peut mettre à disposition. Mais sinon, il n'y a pas de démarche particulière, c'est vraiment un bouche à oreille. Et du coup, bah, parfois, on tombe sur le forum des images, par exemple, où là, forcément, il y a du budget, des mairies, où là, il peut avoir plus de budget. Et du coup, des films qui n'ont parfois pas du tout de budget. Donc le minimum qu'on demande, en fait, c'est une adhésion à l'association pour des histoires d'assurance. Oui. Mmh. L'adhésion est de 20 euros. Et après, voilà, c'est vraiment une mise à disposition, et enfin, en tout cas, en termes de prix, on s'aligne sur le budget du projet, et ça du coup, bah, c'est la confiance avec les personnes à qui on met le matériel à dispo. Voilà, si eux ils estiment qu'ils ont une part, telle part pour le matos, c'est bah voilà, c'est chouette. Et du coup, entre tout ça, ça fait que ça s'équilibre. Et là, ces deux dernières années, on peut dire qu'on a quand même le matos est beaucoup sorti, la salle de montage a beaucoup servi. Et du coup, bah, par exemple, en 2021, on a pu réinvestir dans pas mal de matos. Et ça, c'était super chouette, tant sur de l'entretien que sur du nouveau matériel, quoi. D'accord. Bon, bah, ça fait plaisir de voir ces principes qui fonctionnent. Et puis, on va se quitter là, parce que voilà, on arrive à la fin de l'émission. Et bien, merci à vous, Synapse, d'être venu. Merci pour l'invitation. Et vraiment très intéressant, voilà, votre modèle. Et puis, ça donne très envie de voir vos films aussi. Il y a un site internet où on peut terminer là-dessus, peut-être ? Ou trouver votre catalogue ? Synapse, sans synaps-audiovisuel au singulier, et voilà, .fr. Bon, bah super. Je suis totalement perdu. Je me permets, il y a aussi un site du cinéma voyageur. Oui. Si vous voulez suivre la tournée qui se profile là pour l'été, voilà, avec les différentes étapes de projection. Et puis après, nous, on diffuse une newsletter à peu près tous les trimestres, et du coup si vous voulez vous y inscrire, et voilà, avec plaisir pour la recevoir. Très bien. Et sur le site Disney Voyageurs, tous les films qui sont diffusés sur internet, on met le lien vidéo systématiquement, quoi, des films. Du coup, ça fait une base de données de pas mal de films à voir pour vos soirées perdues. Super. Hein, des fois débrancher Netflix et puis plutôt voilà, sur du cinéma libre. C'est ça. On vous encourage à continuer dans cette voie là. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Et on se quitte sur Radio Balade 101.8. C'est la fin de l'émission Entrée sans payer. We'll be right back.